France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. De nos jours, la musique de théâtre est bien plus importante que la musique pure. On est en 1936 et celui qui parle s'appelle Kurt Weill. Il a 36 ans. Même s'il a composé au début de sa carrière quelques symphonies, son regard s'est tourné vite vers le théâtre musical, l'opéra, avec un objectif, en finir avec l'esprit, dit-il, romanesque, des opéras de Wagner, et se tourner vers des œuvres contemporaines qui touchent le grand public. Des œuvres qui, musicalement, ne recherchent pas la postérité, ne font pas de l'art pour l'art, mais peuvent emprunter aux musiques populaires et aux danses du moment. Kurt Weill, c'est le chaînon manquant dans le domaine du théâtre musical et de la comédie musicale entre George Gershwin et Leonard Bernstein. Un compositeur savant, éduqué musicalement, qui met son art au service d'œuvres politiques destinées au grand public, toujours écrites par des librettistes engagés, à commencer par Bertolt Brecht. Un compositeur qui meurt comme Gershwin, jeune, à moins de 50 ans. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de 42e rue. Alors, dur d'être un artiste aujourd'hui, en particulier dans le domaine de la comédie musicale. Certains artistes ont pu tomber dans l'angoisse de l'inutilité. À quoi je sers, puisque les spectacles ont longtemps été à l'arrêt. Mais bonne nouvelle, les théâtres réouvrent. Ils nous rendront compte chaque semaine de l'actualité de la comédie musicale en France et à travers le monde. Nous reprenons aussi nos concerts en public, en direct du Carreau du Temple. Le prochain aura lieu dans 15 jours avec des règles sanitaires strictes, bien sûr. Dans la salle, il y aura un siège sur deux seulement disponible. Et puis nous vous préparons déjà la troisième grande soirée de 42e rue fait son show. Et on trouvait que Kurt Weill était l'homme idéal pour ouvrir cette nouvelle saison. Un compositeur courageux, ambitieux, audacieux. Deux parties pour raconter le parcours de cet homme né en Allemagne, compositeur de l'opéra de Katsu, et qui ensuite créera des œuvres tout aussi politiques à Broadway. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tell me, is love still a popular suggestion, or merely an obsolete art? Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with his heart. I'm a stranger here myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? Does love embarrass him or does it bore him? I'm only waiting for my cue. I'm a stranger here myself. I dream of a day, of a gay warm day with my face between his hands. Have I missed the path? Have I gone astray? I ask and no one understands. Love me or leave me, that seems to be the question. I don't know the tactics to use, but if he should offer a personal suggestion, how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself? Please tell me, tell a stranger, by curiosity goaded, is there really any danger that love is now outmoded? I'm interested especially in knowing why you waste it. True romance is so fleshly, with what have you replaced it? What is your latest foible? Is gin rummy more exquisite? Is skiing more enjoyable? For heaven's sake, what is it? I can't believe that love has lost its glamour, that passion is really passé. If gender is just a term in grammar, how can I ever find my way, since I'm a stranger here myself? How can he ignore my available condition? Why these Victorian views? You see here before you a woman with a mission. I must discover the key to his ignition. And then if he should make a diplomatic proposition, how Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. We've lost our good old mama. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Say goodbye. We lost our good old mama and must have whiskey on your way. Dans le premier album des Doors, Jim Morrison avait repris à son compte Alabama Song, cette chanson que Kurt Weill compose pour Ma Agonie. Comme l'écrit Pascal Huyn dans son livre Kurt Weill ou La conquête des masses, la musique de Kurt Weill, c'est de la musique qui sent fort, d'où se dégage une odeur de faisandée, de purulence et de pourriture, parfait pour ce premier album des Doors en 1967, avec déjà une récurrence de la dissonance si chère à Kurt Weill. Et puis auparavant, une chanson qui illustre la vie de Kurt Weill, éternel exilé, je suis un étranger ici, I'm a stranger here myself. C'était Melissa Errico dans un extrait de One Touch of Venus, une comédie musicale que créera Kurt Weill à Broadway en 1948. Comment décrire Kurt Weill ? Eh bien, un homme poli, affable, de petite taille, les cheveux clairsemés, les yeux bruns dissimulés derrière d'épaisses lunettes, le visage ovale avec une calvitie précoce. Il naît à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, à 120 ans, le 2 mars 1900. Il grandit à côté, à Dessau, et apprend la musique pas loin, à Berlin, à la réputée Hochschule für Musik. Il est le disciple d'un compositeur érudit et brillant, Ferruccio Busoni, lui-même compositeur d'opéra. L'un des premiers gestes musicaux de Kurt Weill est ce Songspiel, Ma Agonie. dont on vient d'entendre un extrait en 1927. Alors il l'appelle Songspiel, à la différence du Singspiel. On connaît le Singspiel, une forme inspirée de l'opéra comique français du XVIIIe siècle avec des arias traditionnels. Mais Kurt Weill revendique le fait qu'il écrit bien des chansons populaires, des songs, comme on dit en anglais. Ma Agonie, c'est l'adaptation d'un livre de Bertolt Brecht, Les Sermons domestiques, un recueil de poèmes en 5 leçons qui est une succession de processions, de discours, de psaumes. La 4e leçon s'intitule Les Chants de ma Agonie. Brecht, politique en diable, propose une satire du capitalisme et décrit une ville aux mains d'escrocs qui exploitent les vices de l'humanité. C'est à la fois un regard de haine et d'amour envers l'Amérique. Kurt Weill veut une rupture décisive avec l'esthétique lyrique héritée du post-romantisme et du drame wagnérien. Et là, le support du texte de Brecht est parfait parce qu'il peut mettre en musique ses différentes petites formes. Il va donc abandonner la forme du grand opéra et s'inspirer plutôt d'un modèle créé par Igor Stravinsky dans l'histoire du soldat, avec un effectif de chambre de 10 musiciens seulement, une prépondérance des instruments avant, et puis il incorpore à la musique et bien de la musique de cabaret, de jazz, du tango et des danses populaires à l'époque. Au début de ce Songspiel, ma Agonie, déçus par leur vie récente, 4 hommes et 2 filles se dirigent vers la ville de ma Agonie, Eldorado du succès et du plaisir. Vous allez l'entendre, on sent vraiment l'influence de Stravinsky. C'est l'orchestre Sinfonietta de Londres sous la direction de David Hasselton. L'amour c'est bien beau, mais voilà, tous les jours on s'use un peu. L'amour c'est pas ça qui nourrit. Faut d'abord songer à ses vieux jours. On n'est pas des chiens. Adapté en français par Geneviève Serrault et Jean-Claude Emery, c'était « Comme on fait son lit, on se couche » par Pia Colombo. Extrait de l'adaptation, ensuite en opéra par Bertolt Brecht et Kurt Weill, eh bien de Mahagoni. Ça deviendra « Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni » en 1930, un opéra populaire avec de la musique populaire et une mise en scène avec la distanciation si chère à Bertolt Brecht. Kurt Weill qui a écrit cet opéra, c'est une allégorie de la vie d'aujourd'hui. La figure principale de la pièce est la ville. Elle naît à partir des besoins des hommes, et les besoins des hommes sont ceux qui causent sa grandeur et sa décadence. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Toute sa vie, Kurt Weill s'est associé à des auteurs littéraires engagés politiquement. Bertolt Brecht et Kurt Weill se sont bien trouvés. Alors il faut se situer à cette époque miraculeuse et pourtant annonciatrice du pire. On est en 1927, l'Allemagne vit pour la première fois sous une république, c'en est fini de l'Empire depuis la défaite de 14-18. Les arts jouissent d'une liberté inédite. Marlène Dietrich est la vedette de l'Ange Bleu, Fritz Lang tourne le révolutionnaire Métropolis, Friedrich Murnau révolutionne l'usage de la caméra dans le film Le Dernier des Hommes, et l'expressionnisme est à son apothéose. Mais bientôt, en 1933, Hitler accédera au pouvoir, transformera le régime en dictature, ciblera l'art dit dégénéré, provoquera des autodafés de livres et éliminera la population juive. Mais pour l'heure, nous sommes encore dans une sorte de parenthèse enchantée, avec une grande liberté artistique. Bertolt Brecht et Kurt Weill se rencontrent en 1927 au restaurant Schlichter, et chacun avait pu découvrir à distance le propos politique et engagé de l'autre. En 1926, Brecht avait écrit « Homme pour homme », qui traite des mécanismes ambigus de la métamorphose humaine dans le cadre de la société capitaliste. Eh bien, la force de la langue plaît à Weill, l'originalité de la structure des textes aussi. Ils vont créer ensemble donc « Mahagoni », et puis l'opéra de Katsu, autre œuvre politique et cynique. Une œuvre, à vrai dire, montée à la va-vite à l'occasion du bicentenaire de l'opéra des Gueux de John Gay, qu'il revisite. Alors rien que le titre Opéra de Katsu, c'est révélateur de la volonté de Kurt Weill de créer un opéra qui s'adresse à tous, une œuvre qui parle de corruption, de police pourrie et de prostitution. Et encore une fois, Kurt Weill explore cette nouvelle forme d'opéra. Il veut offrir, dit-il, une forme immédiatement compréhensible, avec un retour aux dialogues nombreux, comme au temps de la flûte enchantée de Mozart, et une grande simplification du langage musical. Ça sera donc un song opéra, ou plus précisément un ballade opéra, avec cet air qui devient un tube mondial, ici interprété par Bertolt Brecht, la chanson de Macky, le surineur. Unser Heidi, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht. Und Macky, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand, und ein Mensch geht um die Ecke, den man Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mäcki Messer, den man nicht beweisen kann. Denn die Tauler war gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mäcki Messer, der von allem nicht gewusst. Das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis. In der Menge Mäcki Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Da ist nun einer schon, der Satan selber, der Metzger er und alle anderen Kälber, der frechste und der schlimmste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht? Weiber, das fragt nicht, ob er will, er ist bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Er glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB. Er meint, er ist der größte Egoist. Weiß, dass wer ein Weib sieht, schon verschoben ist und lässt kein Weib in seine Nähe. Er soll dem Tag nicht vor dem Abend loben, denn vor es Nacht wird, liegt er wieder droben. So mancher Mann sah manchen Mann verrecken, ein großer Geist blieb in der Hure stecken, und dies mit Ansahn, was sie sich auch schworen, als sie verreckten, wer begrub sie? Huren. Ob's wollen oder nicht, sie sind bereit, das ist die sexuelle Hörigkeit. Der hält sich an die Bibel, pfeift aufs BGB, der wird ein Christ, der wird ein Anarchist. Am Mittag zwingt man sich, dass man nicht Sellerie frisst, nachmittags weiht man sich noch ner Idee. Am Abend sagt man, mit mir geht's nach oben, doch vor es Nacht wird, liegt man wieder droben. Da steht nun einer fast schon unterm Galgen, der Kalk ist schon gekauft, ihn einzukalken. Sein Leben hängt an einem brüchigen Fädchen, und was hat er im Kopf, der Bursche? Mädchen! Schon unterm Galgen ist er noch bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Er ist schon sowieso verkauft mit Haut und Haar. Bei ihr hat er den Judaslohn gesehen. Und er beginnt nun zu verstehen, dass ihm des Weibes Loch das Grabloch war. und er macht Wüten gegen sich und toben, bevor es Nacht wird, liegt er wieder droben. Il fallait l'entendre, celle qui a accompagné Kurt Weill, sa muse, sa compagne, Lotte Lenya, qui était là pour toutes les créations et qui ici interprétait un extrait de l'opéra de Katsu, la chanson de Madame Pichoum, qui raconte la dépendance sexuelle des hommes. L'opéra de Katsu connaît un succès fulgurant. 250 représentations à Berlin, 50 productions ensuite lors de la première saison sur le sol allemand, soit ça fait 4000 représentations. L'œuvre sera bientôt jouée dans l'Europe entière, aux États-Unis, au Japon. C'est un énorme succès. On va leur commander du coup un autre opéra à Kurt Weill et Bertolt Brecht, Happy End, en 1929. Alors ça parlera toujours de la pègre, ça parlera toujours de l'Amérique. L'histoire se situe à Chicago. Le chef de la pègre est une femme et son lieutenant tombe amoureux d'une jeune fille de l'armée du salut. À la fin, les membres de la pègre intégreront l'armée du salut. Alors pour ça, eh bien pour cette œuvre, Kurt Weill va mélanger musique pieuse et chansons qui auront une tonalité américaine. Voici le début du spectacle, les bandits qui célèbrent Chicago, nouveau lieu de la pègre qui deviendra, selon eux, aussi célèbre que Bilbao. Bilbao Song, Marianne Faithfull, l'orchestre symphonique de la radio de Vienne. Bilbao was the most fantastic place I've ever known. For just a dollar you'd get all you wanted, all you wanted, all you wanted, of whatever kind of joy you called your own. But if you had been around to see the fun, well, I don't know, you might not like what you'd have seen. The stools at the bar were damp with rye, on the dance floor the grass grew high. Through the roof the moon was shining green, and the music really gave you some return on what you paid. Hey Joe, play that old song they always played. That old Bilbao. Down where we used to go. Who remembers the words so long ago? I don't know if it would have brought you joy or grief, but it was fantastic. It was fantastic. It was fantastic. Beyond belief. Billsbeer Hall in Bilbao, Bilbao, Bilbao. Came a day the end of May in 1908. Four guys from Frisco came with sacks of gold dust, sacks of gold dust, sacks of gold dust. And the time they showed us all was really great. But if you had been around to see the fun, well, I don't know, you might not like what you'd have seen. The brandy bottles smashing through the air, and the chairs flying everywhere. Through the roof the moon still shining green, and those four guys all going crazy with their pistols blazing high. Think you can stop them? Well, go ahead and try. That old Bilbao, down where we used to go. That old Bilbao, casting its golden glow. That old Bilbao, love never laid me low. That old Bilbao, why does it haunt me so? I don't know if it would have brought you joy or grief, but it was fantastic. It was fantastic. It was fantastic. Beyond belief. la musique lancinante de Kurt Weill. En 1929, la vermine s'infiltre en Allemagne. La crise économique touche gravement le pays, le chômage atteint des niveaux élevés. Kurt Weill va rendre compte du danger de façon prémonitoire et admirable dans sa prochaine comédie musicale, opéra, théâtre musical, je ne sais pas comment il faut appeler ces œuvres-là, Le Lac d'Argent en 1932, dont cette fois le livret et les paroles sont signés Georg Kaiser, l'un des maîtres de l'expressionnisme allemand. C'est une fable ancrée dans la réalité sociale des conséquences de la crise économique de 1929 et c'est aussi un conte philosophique avec des personnages qui meurent de faim, une famille bourgeoise prête à tout et la réconciliation onirique entre un policier et un voleur qui l'a tabassé, réunis à la fin autour d'un lac d'argent, symbole d'espoir et de l'élévation que pourrait emprunter chaque homme. Une réconciliation finalement impossible mais espérée. C'est la dernière œuvre de Kurt Weill présentée de son vivant en Allemagne. Elle est créée en février 1933, juste après l'élection de Hitler au pouvoir. Elle sera jugée subversive et est interdite de représentation par les nazis. Voici l'un des airs les plus admirables. Deux vendeuses dans une boutique d'alimentation, alors vous allez l'entendre sur un air de valse, elles expriment les fondements impitoyables de l'économie. Toute marchandise périmée, bien qu'encore consommable, doit être détruite pour ne pas faire baisser les prix. Du sollst Christ schon dabei auf allen vier. Nur 1933, L'Exil. C'était l'introduction de l'une des œuvres de théâtre musical que Kurt Weill crée à Paris, Marie Galante. Car le 21 mars 1933, 15 jours après les élections législatives allemandes, Kurt Weill quitte l'Allemagne pour la France. Un an auparavant, il avait déjà été invité à Paris pour un concert par la société de musique de chambre La Sérénade, dont font partie les grands compositeurs français. Le soir dans la salle, on comptait Stravinsky, Darius Milhaud, Arthur Honegger, André Gide, Pablo Picasso. Écoutez-le dans cette interview. Je me réjouis beaucoup que la société musicale La Sérénade m'ait appelé à Paris pour faire connaître au public français qui a accueilli avec un tel intérêt mon opéra de quatre tours, mes deux œuvres Mahagoni et Gayazaga. L'une de ces œuvres, Sketch musical Mahagoni, fut écrite avant l'opéra de quatre tours et fut la source du style de la musique que vous connaissez. Dans la salle, il y a aussi Jean Cocteau, qui lui écrit quelques mois plus tard toute son affection, caresse quelques projets avec lui et écrit les paroles en allemand d'une chanson, Es regnet. C'est à lui que Kurt Weill va penser lorsque, une fois exilé à Paris, on lui commande la musique d'un ballet pour la nouvelle compagnie du danseur russe Georges Balanchine. Kurt Weill choisit de créer un ballet chanté autour des sept péchés capitaux. Jean Cocteau finalement décline, c'est Bertolt Brecht qui va mettre en musique la colère, l'avarice, l'envie, la gourmandise, la paresse, la luxure et l'orgueil. Als wir aber ausgestattet waren, Wäsche hatten, Kleider und Hüte, fanden wir auch bald eine Stelle in einem Kabarett als Tänzerin. Und zwar in Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Ach, es war nicht leicht für Anna, Kleider und Hüte machen ein Mädchen hoffärtig, wenn die Tiger trinkend sich im Wasser erblicken, werden sie oft gefährlich. Wollte sie eine Künstlerin sein und wollte Kunst machen in dem Kabarett in Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Und das war nicht, was dort die Leute wollen. Was dort die Leute wollen, war das nicht. Etwas herzeigt für ihr Geld. Und wenn der eine ihre Blöße versteckt wie den faulen Fisch, kann sie auf keinen Beifall rechnen. Also sagte ich meiner Schwester Anna, stolz ist nur etwas für reiche Leute. Tu, was man von dir verlangt und nicht, was du willst, dass sie von dir verlangen. Mm. manchen Abend hatt ich meine Mühe, ihr den Hochmut abzugewöhnen. Manchmal brachte ich sie zu Bette, tröstete sie und sagte ihr: Denk an das kleine Haus in Louisiana. Retire ta main, je ne t'aime pas, car tu l'as voulu, tu n'es qu'un ami. Parfum que j'aime, dis-moi tes amours. Je ne t'aime pas. Quelle heure te fut la plus enivrante? Je ne t'aime pas. Si elle t'aimait bien. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas souffert, ce n'était qu'un rêve et qu'une folie. Retire ta main. Kurzweil a toujours choisi avec soin ses auteurs, des poètes, toujours en France après Jean Cocteau, Maurice Magre qui signe « Je ne t'aime pas », ici interprété par Diane Dufresne dans un album consacré à Kurzweil, enregistré avec l'orchestre du Grand Montréal sous la direction de Yannick Nézet-Seguin. Et puis auparavant, c'était Gisela May qui interprétait un air des Sept Péchés Capitaux avec l'orchestre symphonique de la radio de Leipzig. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. À Paris, Kurzweil crée aussi une opérette à la française, empreinte d'exotisme. On a entendu l'introduction tout à l'heure. Marie Galante, adaptation d'un roman à succès de Jacques Deval autour d'une prostituée chaste. Une œuvre sur le drame de l'exil créée au Théâtre de Paris, dont sera tirée l'une de ses plus belles chansons, Youkali, même si dans l'œuvre, c'est en fait un instrumental. Il y a aussi, dans Marie Galante, ce très beau titre, J'attends un navire, ici interprété par Ute Lemper avec le Sinfonietta du Rias de Berlin, dirigé par John Mocheri. On peut dire que c'est de la chanson réaliste. Beautiful girl, bella francese, de dollars, tu seras content, rentre chez moi, mets-toi. Mais le séjour en France de Kurzweil n'est que de courte durée. En 1933, on crie à la salle Pleyel « Vive Hitler !» au cours de l'un de ses concerts. La presse s'est retournée. On critique le populisme de bas étage de la musique de Kurzweil. Le populisme, je cite, « irritant », c'est clairement antisémite. Kurzweil part d'abord en Angleterre et puis en Amérique en 1935, où il poursuivra sa quête d'opéra populaire. Et Broadway ne lui fait pas peur. Nous consacrerons à cette nouvelle étape de sa carrière la prochaine émission de 42e rue dimanche prochain. Des CD continuent à sortir malgré la fermeture des théâtres à Londres, à Broadway et le peu de spectacles en France. Celui qui a retenu cet été mon attention est un très beau travail de l'éditeur américain Ghostlight autour d'une des voix les plus intéressantes de la comédie musicale de ce siècle. Un compositeur disparu à l'âge de 41 ans du sida il y a un an, Michael Friedman. À son actif des musiques pop, rock ou qui plonge dans les standards de Broadway. Avant Hamilton, par exemple, il avait déjà écrit un spectacle rock autour d'un des présidents sanglants américains, Andrew Jackson. Ghostlight Records fait paraître une anthologie de toutes ses œuvres enregistrées pour l'occasion. Et par exemple, au mois d'août, on vient de découvrir une œuvre autour de la désinformation. I'm Nobody's Lunch, ça a été créé en 2006. En voici un extrait qu'on pourrait appeler le téléphone arabe. Why are you asking me this? Whatever, you have your reasons, right? You're not taping this, are you? What was that sound? Is someone else on the phone? I think the news is mostly just highlighting nonsense. I have friends who work for ABC, CBS News, who say they've been given tapes by the government, pre-cut tapes, and they're just running them without editing. I mean, I don't want to buy into conspiracy theories. I mean, I'm not sure just hearing about things is real. The radio sings about love, for instance, but love's something you have to experience for yourself to know it. That's true. Or at least I think that's true. Since we've been going out, I'm seeing one thing clearly. You never ever say a word to me sincerely. When will you come into focus and show me the way? Don't you wanna be in love? Don't you wanna love that's true? Don't you wanna feel that it's true? I read the paper and I'm like, all of this is lies. I mean, I don't remember feeling this before, that it was all a lie. We were lying in bed and Kate's holding me and she says to me, I love you more than anyone does, more than your father loves you, more than your mother loves you, more than anybody. And then she broke up with me a week later. How do I know what I know? Well, I guess I don't think I know. Well, I don't know. Wait, I know a lot about a lot of things. Wait, I know a lot about a lot about a lot of things. But I don't know a lot about one thing. No, wait, I know. No, I don't know a lot about one thing. But I know a little about a lot of things. Pathetic. I'm pathetic. Why are you asking me this? I think there are two reasons why 9/11 happened. Do you think Tom Cruise is gay? Yes. Why do you ask that? Who cares? I've heard from a ton of different sources, different people. One of my friends, her father is an agent, and he's always telling us things about people. Doesn't he have a wife now and like four kids or something? He's a terrible actor. He's a very good actor. He is. Top Gun, I love his movies. He's a prick, but I still love his movies. How do you know he's a prick? I don't know. I've read interviews with him. I've seen him on talk shows. He's just really arrogant. You know, why don't you just ask me the questions? She's my wife. I'm sure I'd know how she'd answer. That's why I always end up staying in bad relationships. I can't leave. The Telephone Song, extrait de I'm Nobody's Lunch, paru chez Ghostlight Records. Sur la page de 42e rue, vous retrouverez la programmation musicale de l'émission et des vidéos qu'on vous conseille autour de Kurt Weill. Et puis notez le prochain premier cabaret 42e rue de la saison avec la troupe et l'orchestre au complet de Normandie, l'opérette de Paul Misraki, qui tourne cet été, cet automne, je veux dire, en France avec l'orchestre des Frivolités Parisiennes. On prend soin de vous et on prend toutes les précautions sanitaires nécessaires. Réservation comme d'habitude sur francemusique.fr et maison de la radio.fr. On était ravis de vous retrouver. Martine Moni à la préparation de l'émission, Fabien Fleura à la réalisation, Sofiane Aktib à la technique, Emmanuel Dupuis à la cabine, Laurent Vallière au micro. On vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Marina Chiche qui vous accompagne désormais tous les dimanches à 14h. Très bonne semaine sur France Musique. Rideau! À réécouter sur francemusique.fr.